Harris sont arrivés. Ils sont en train de manger dans le réfectoire de la fonderie. Et on est de nouveau en direct. Le décollage du satellite va peut-être pouvoir se dérouler normalement. L'orage est passé. On va écouter. Écoutez, je reçois des informations maintenant. Écoutez. On va écouter. Écoutez. On va écouter le SAJ de Stein, car cet après-midi, le lancement du satellite sur le parking Saint-Parrain se fera aussi avec le SAJ de Stein, qui est ici à la fonderie et également en duplex avec Stein, qui déambulera avec un autre satellite. Et ils sont venus la semaine dernière nous raconter l'atelier. On se retrouve dans une demi-heure. On est très. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Paix fort. Vas-y. Alors, qui sommes-nous autour de la table? On est à la fonderie pour les rencontres encore heureux. Qui avait été l'année dernière annulé, et on est bien content de se retrouver. Et on reçoit. Les SAJ. On reçoit, oui. Les SAJ. Le SAJ de Stein. Les derniers jours de mois. Les 6 jours, c'est fini. Ah, c'est votre dernier jour. Demain, on reprend au TGV Montparnasse. Vas-y, Kevin, t'entends. Alors, qu'est-ce que dit Kevin? On l'entend pas à la radio. On va prendre le T8 jusqu'à la gare de Mans. Après, on va prendre le TGV Inouï en deuxième classe jusqu'au terminus Paris-Montparnasse. Après, on change pour la ligne 4 jusqu'à Denfert-Rochereau. On change pour la ligne B de RER jusqu'à Le Bourget. Et après, on va pour le T11 jusqu'à Stalin-sur-Isère. Et après, on va mettre une première minute à pied jusqu'à SAJ. SAJ. Donc, on monte pas au ciel. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de ce jour. Voilà. Demain, tu rentres au SAJ. Voilà. Stalin-sur-Isère, c'est là. Moi, je suis venu une fois. Arrête. Il y a un arrêt de bus qui s'appelle Stalin-sur-Isère. Oui, c'est ça. Il y a un arrêt de bus, c'est le 253. Moi, je ne suis pas venu en tramway. Je suis venu en bus. Olivier était venu me chercher. Oui. Et donc, pour me guider, on arrive. C'est une zone avec un petit centre commercial. Il y a une grille qui s'ouvre et puis il y a un grand jardin. Un joli jardin. Vous étiez en train de vous réunir pour préparer le séjour. Vous étiez en pleine réunion. Oui, c'est ça. Alors, vous êtes arrivé avant-hier pour terminer un travail d'atelier, spectacle, tout autour des satellites, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu tous? On avait le spectacle à la médiathèque d'Estaing. Oui. On a dit ciel, terre, étoile, la lune et les animaux, les scorpions, les abeilles, les coccinelles et les cordons. Voilà. Super, Marine. Oui. Voilà, 7. Les chameaux aussi. Voilà. Les chameaux. Tigre, lion, Olivier. Alors je vais parler pour tout le monde là du SAJ. Donc le SAJ, c'est service d'accueil de jour des Trois Rivières à Stein dans le 93. Et donc là on accueille toute une équipe du SAJ cette semaine à la fonderie. Et viennent présenter en fait un travail qui a commencé en fait à l'automne 2019, mais qui a été interrompu plusieurs fois avec le Covid. Et là, on est très content de pouvoir enfin présenter ce satellite, en fait, en réalité, il y a deux satellites. Il y a un satellite qui est Astin et il y a un satellite interstellaire qui est au Mans, qui est fabriqué par des jeunes de l'IME Vaurouzet au Mans. Donc, ça va demander des retransmissions un peu en direct. Il y aura un décollage qui sera fait le 17 juin. Le 17 juin à 14h30 sur la place sur le parking de la fonderie. Et il y aura un décollage simultané qui sera fait dans les rues de Stein par le SAJ de Stein. Ouais. Voilà. Maîtresse. Donc alors, ce sont des satellites interstellaires. On part au ciel. Qui vont. Pas spécialement monter au ciel, mais aussi monter au ciel, parce que notre ambition est quand même de pouvoir communiquer avec des extraterrestres qui pourraient éventuellement nous venir en aide, puisque on a constaté une certaine défaillance et négligence de l'humain. Le costume. Et donc, du coup, on préférerait peut-être rencontrer des extraterrestres pour qu'ils nous viennent en aide. Voilà le but de ces satellites interstellaires. Tout à l'heure, Chloé m'a donné des messages. Des bêtises. Donc, on peut, un bref instant, écouter les messages que vous avez enregistrés pour les satellites. J'étais mon chauffeur préféré. N'oublie pas mon pic. Merci beaucoup. Salut, tu vas bien? Je te prends. Je suis un chanteur, je suis un cassé. Je suis acteur de Crébillon, je suis de quel âge, j'étais à 26 ans. Je suis de toute masse, pour ça, j'étais tout à bien. Je suis ma copain. C'est mon nom. Salut, monsieur Chloé. Je viens dans le café. Je vais venir le matin où il s'agit. J'essaie d'arrêter de fumer, parce que c'est mieux pour la santé. Thank you. sur l'espace. J'ai proposé aux camions de me permettre de privilégier le fusil SR pour le planète. On se serait de venir à l'hélicoptère de l'avion pour enregistrer du radio de préférer le film. Olivier a dit que la planète finit la période 9 de Mars. Le Mars, ça veut dire faire plein de choses et dire de planète de mort. Ça veut dire la planète regarde l'amour et faire Et je vais baisser les deux bras. Oui. Je ne vois pas, mais je ne le vois pas. Là ? Non. Parlez là, c'est bon. Il faut parler. Merci. Là. Bonjour, je m'appelle Jélissa, je suis au SAJ, les Trois-Rivières, et puis nous travaillons sur le satellite avec Olivier. Nous faisons des photos. Et j'ai fait une position au deuxième étage, une position avec des bras. J'ai levé les deux bras. Ça va. Et j'ai rebaissé mes deux bras. Hop. Allez, dis quelque chose. Hein? Il faut dire quelque chose ici. Là. Ici? Ouais, ouais. Ici? Non. Là. Là. Oui. C'est là, sur la cassette. C'est sa cassette. C'est sa cassette? Oui, c'est sa cassette. Mais après ça, on fait quoi avec la cassette? On fait quoi avec les cassettes? Dans la cassette. Pour la santé. Ok. Voilà. Merci. De rien. Ok. Allez, on y va. Magali, oui. Je parle. Oui. Est-ce que le rap c'est fini? C'est fini rap. Pourquoi c'est fini rap? C'est terminé. Terminé rap. Bachirak. Bachirak. Ta ta ta. Merci Dyson. Ok. Voilà les messages. Donc ces messages, ils seront dans les satellites, c'est ça ? Les messages qui seront dans les satellites pour éventuellement rentrer en contact avec des extraterrestres. Et on pense vraiment qu'ils vont pouvoir comprendre ce qu'on leur dit. Et comme ça, ils viendront à notre rencontre. Sa finale. Marlène ? Sa finale. Oui. Les satellites. Les satellites avec les astronautes, ça a été bien. Avec ici. Olivier. Ici. Ici. Oui. Et il y a d'autres satellites, on a visité, c'était pas mal, quoi. Le satellite, ça se passe bien. Et avec tout le monde. Et puis voilà. Avec quoi ils sont faits, ces satellites ? Le satellite qui a été fait à Stein, avec quoi il est fait ? Le satellite, il est fait avec des feuilles colorées dorées. Le satellite, il est fait avec des clous, des prises, des trucs comme ça. Le satellite, il est fait avec, avec les bois qu'on a dessinés dessus. On a dessiné, nous, qu'on a fait dans la salle au deuxième, au SAJ. On a dessiné, nous, avec... On a fait comment ça s'appelle, là on a dessiné, nous, on a fait des poèmes, des dessinations de nous. Et après, on a fait en bois, avec gravure. On a fait gravure avec des trucs, là, avec... Oui. Des outils qu'on a passé dessus, qu'on a brûlé, et c'était pas mal pour le satellite. Et puis on a dessiné avec des crayons de couleur, c'était bien. Et après, c'était pas mal pour le satellite. Et puis après, qu'est-ce qu'on a fait encore? On a pris des petits sachets en plastique qu'on a collés sous les blouses. Et blouses blancs, on a dessiné dessus, sous les blouses. Et puis après, on a fait le satellite avec. On a fait les cagoules, des tuyaux d'aspirateur. On a fait la peinture en doré et avec de la colle. On a utilisé plein de choses pour le satellite et puis c'était pas mal. Voilà. Pas mal. Mmh. Bah vous, Marlène. C'est bon. Alors, il faut parler dans le micro. C'est moi. Zacharia, Yacoub, Adèle, Khadija, Davidson, Christopher, Rim, Merline, Jalissa, Shaima, pas qui me reste à la maison. Asana, Serine, oui. Fayad, Mamadou, Adèle, qui a déjà chef cuisinier, parce que Marie Aristocha, il dort dans son lit, ça va être avec Edeline et Christophe. Bravo. C'est tout. Bravo. Alors, on est aussi sur un stream Pinode qu'on remercie. On est en direct, on avait oublié de les remercier. Et sans doute, on doit entendre ici que ça résonne beaucoup. On est dans une très, très grande pièce. Et dans cet endroit qui est la fonderie, dans laquelle on se réunit depuis plus de 8 ans, on a commencé à installer des expositions. Et dans une de ces salles, qui n'est pas le grand hall où nous sommes réunis maintenant, il y a une salle qui s'appelle la salle en bois, où on vient de faire une réunion, un café des habitants, pour dire ce qui allait se passer dans l'après-midi, accueillir les nouveaux arrivants. Et du coup, vous vous êtes installés dans cette salle en bois, où il y a un autre satellite. Et cet autre satellite, il a été fabriqué au Mans à l'IME de Vaurouzé. Mais vous avez amené des choses à exposer. Et peut-être qu'on peut parler un peu de ce que vous avez amené. On a amené à exposer... Dans la salle des tableaux qu'on a dessinés, nous. Et puis, on a amené quoi d'autre? Les tableaux du gravure qu'on a fait. Nous, on a dessiné tout ça, et puis on a exposé dans la salle avec Olivier, et on a accroché les tableaux hier avec les clous, les tournevis, avec des marteaux, on a tapé dans le mur. Voilà, et ça a été bien, voilà. Et les livres de Jean, ça a été bien. On a coudé avec du fil aiguille. On a fait des dessins avec tous les livres d'Olivier. On a fait un petit livre avec des cartons qui étaient au lait. On a fabriqué un carnet avec de la colle, et moi j'ai cousu avec Olivier aussi, avec du fil à aiguille en haut du livre du carnet. J'ai fait plein de dessins, et puis on a laissé ouvert le livre de carnet, j'ai collé des petits trucs là-dessus que j'ai fait une fleur, un nounours et un pot de fleurs, voilà. Ça a été bien, et j'ai collé dessus, sous le carnet, et j'ai fait de la peinture dessus, voilà, et ça a été bien, voilà. C'est bon, Marie? Avec Jean, voilà. À moi. C'est bon. À moi. Ça, nous... Yeah. La question. Tu as une question? La satellite, les parades, tresse de Crook. Voilà. Et Chagy aussi. Il y en a aussi, il y en a, l'année. Tous. Et tous. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait, déjà fait un premier lancement d'essai dans les rues d'Austin, ouais, avec des fumigènes, et puis on avait fabriqué aussi des combinaisons de cosmonautes, et on avait fait une, enfin, on avait déambulé dans la rue, quoi. C'est la rue. Ça, quoi. C'est ma malle. Voilà. C'est tout, Marlene. On a travaillé le son avec Olivier, avec des radios noires, avec des prises. On a chanté le satellite. On a dit statue, taper sous le satellite. Et à côté de la boulangerie de Destin, de la pharmacie, tout ça. Et puis on a marché dans dans la rue des Sagi, Destin, des Trois-Rivières. On a fait le satellite et puis on a mis de la, ça s'appelle la fumée de toutes les couleurs là, bleu, blanc, rouge. C'était génial. On avait tourné le satellite comme ça, en rond, comme ça. Et puis Mamadou disait avec moi ciel, terre, étoile, et il levait les mains comme ça, il parlait au micro comme ça, et puis voilà. Il était sur une chaise roulante et c'est, ça a été bien avec tout le monde. Cassé. Et voilà. Cassé. Chloé aussi, elle était sur une chaise roulante comme Mamadou. Ils avaient les pieds cassés. On a dessiné sous le bandage de Chloé. Et Chloé ne pouvait pas marcher parce qu'elle avait un plat comme Mamadou. Et puis, c'est bon. Elle avait les pieds cassés. Voilà. Des questions, Marine? Voilà. C'est tout, Marine? Voilà, on a fait des micro-contacts. Et ça a été bien passé avec Olivier. Et puis, avec même dans la salle au premier, on a fait des micro-contacts avec Océance. Océance, dans la photo, elle faisait des micro-contacts sous le bois, le satellite. Voilà. Et puis, on a fait des sons avec le micro-contact. On a chanté au micro. Abdel faisait chanter au micro. Et puis voilà, et puis on a chanté Ça va madame au spectacle, ça a été mis avec tout le monde, on a répété, et voilà. Écoutez, je reçois des informations maintenant, écoutez. Merci au SAJ d'Austin de nous avoir raconté un petit peu l'atelier. Alors, bienvenue Radio Tisto, nous sommes de nouveau dans le grand hall de la fonderie, après un long voyage. Radio Tisto. Salut tout le monde, c'est Radio Tisto qui commence en direct de la fonderie sur le stream de Radiophonie Encore Heureux. Dans le cadre du festival Encore Heureux. Effectivement, on est arrivé ce matin en trafic. Et on est ici en petite équipe. Voilà, ouais. Il n'y a pas tout le monde de Radio Tisto, mais il y a Quentin, Étienne, Nils, Tristan, ils vont se présenter. Et il y a Adam et moi-même. Et donc, on est ici pour assister au décollage du satellite. Ouais. Et j'ai avec moi, bon, on va d'abord présenter tout le monde, je vous passe les micros. Bonjour, je suis Tristan, bienvenue sur Radio Tisto, au Mans. Bonjour, moi c'est Nice, bienvenue au Radio Tisto, au Mans. Bonjour. Bonjour. C'est Étienne Clément. Bienvenue sur la radio Tisto. Je m'appelle Quentin. Bienvenue à la radio 89.org au Mans. Étienne, si tu veux mettre un bruit de fond pendant qu'on parle, tu peux le lancer. Mmh. On va, voilà, c'est pas à la seconde près pour JB, hein. T'inquiète pas. En tout cas, on est prêt. Ça va bientôt, ça commence à 14h30, je crois, le lancement, parce qu'on est ici pour le décollage d'un satellite qui a été fabriqué. Alors, il y a deux satellites qui décollent, un qui décolle du Mans ici, qui a été fabriqué. À l'IME de Vaurouzé. À l'IME de Vaurouzé, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Eh bien, en fait, l'atelier en fait, s'est déroulé il y a 2 ans. Ils avaient construit toujours un petit peu sur l'idée des ateliers bricolage. En fait, il y a un atelier bricolage dans l'IME. Et qui vient travailler ici en s'appuyant sur l'atelier de construction du théâtre, en faisant des récups dans les vieilles planches, etc. Et ce chantier a commencé il y a 1 an et demi et a été interrompu parce qu'on devait lancer et inaugurer cet atelier satellite l'année dernière. Vous vous êtes pas laissé démonter et finalement le satellite est là. C'est ça. Et il y a aussi un autre satellite, Astin, qui a été fait en parallèle. Et aujourd'hui... Et qui décolle aussi à 14h30. C'est ça. D'accord. Sous une forme d'une déambulation dans les rues de Astin. Waouh. Super. Est-ce qu'on peut avoir le bruit de fond d'Étienne? Alors, c'est souvent des musiques très, très, très minimalistes. Est-ce que tu peux nous prendre le micro, Étienne, et nous expliquer ce qu'on entend? Ah, c'est le bruit de Windows. Ah, ce que j'entends au bout de la nuit, c'est que j'en avais passionné. J'en étais passionné, j'en avais rêvé devant. Tu l'entends du bout de la nuit, tu as dit? Ouais, ouais. Alors, tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, entendre cette musique du bout de la nuit? C'est ce genre de musique que je le mets jour et nuit pour la berceuse. Ah, tu dors avec, c'est ça? Ouais, je dors avec. Et parfois, je me dis que je pourrais en avoir une idée là-dessus. Je pourrais avoir davantage d'idées là-dessus. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je crée moi-même les démarrages de Windows, les fausses, genre des millions et des millions. Des millions de musiques de démarrage Windows. Et alors là, on écoute, je crois, on n'entend pas vraiment, pourtant c'est en train de lire. Hein. Ouais, on entend. Des fois c'est basse. Des fois, le volume est bas, des fois, le volume est très, très haut. Et alors, tu peux nous expliquer, parce que je sais qu'il n'y a pas qu'une seule... Donc, tu es fan de l'OS Windows et de ses musiques de démarrage, mais j'ai appris avec toi qu'il y en a des milliers de musiques de démarrage Windows selon les pays, selon les versions et tout ça. Genre, c'est parce qu'en fait, c'est un Windows Never Release Edition. Ah oui, alors toi, tu es fan des versions de Windows qui n'ont jamais été éditées. Donc, c'est ça ce qui se passe. Tu es un peu un chineur de musique de lancement Windows. Et c'est même vrai pour Never Release Operating System. Oui. Power OS. Power OS. The OS Ready. The Power of Computing. Et GMMOS. T'as le... Comment? GMMOS. GMM? Le GMM Trademark. C'est quoi GMM Trademark? GMM Corporation. C'est tout simplement Never Release. Ils ont quand même pas créé une marque juste pour ceux qui n'ont pas été... Une marque qui n'a jamais été réelle. Vraiment, on appelle ça une marque, une fausse marque. Ah, c'est une fausse marque réunit donc sous son nom toutes les alors, c'est les versions des OS ou c'est les musiques que ça réunit? C'est littéralement, ça réunit les groupes de boot screen. Les groupes de boot screen. Alors, boot screen, pour les auditeurs, c'est l'écran de démarrage. Donc là, on entend un petit peu en fond. Donc c'est, je trouve que c'est de circonstance, la question du lancement. Là. On est en train de lancer l'OS, et puis après, une fois qu'on aura lancé l'OS, on va pouvoir... on sera prêt pour lancer le satellite, parce qu'il faut, il faut un opérette... il faut une musique de démarrage. Puis il faut un operating system pour lancer. Et tu penses que à Houston, ils travaillent avec quoi comme à la NASA là, quand ils envoient des fusées dans le ciel, tu crois qu'ils dans l'espace, tu crois qu'ils travaillent à partir de quel OS? Dans l'espace, on viserait sur 7000 ans. Et on travaillerait sur Vénus. Windows, on appellerait alors Windows Vénus. Ah, tu veux pas lancer un Windows Vénus. C'est okay. Un gros exemple. C'est le plus gros exemple. Ce qui a un impact phénoménal du style esthétique des OS. Un impact phénoménal du style esthétique des OS avec OS Vénus. C'est à mon avis. Et c'est toi qui ferais la musique de l'OS Vénus ? Ouais, l'OS Vénus. Tu peux nous parler peut-être de comment toi tu reprends ces musiques-là pour en jouer ? Enfin, je pense que pour mettre encore plus d'impact, je l'ai recombiné avec ceux du MIDI, du son. Alors, je ne parviens pas à les enregistrer. Par contre, je ne parviens pas à les enregistrer. Mais on pourrait t'aider, ça. Mais en fait, je sais, parce qu'on en a déjà parlé ensemble, tu rentres les sons des OS Windows qui n'ont jamais été réalisés. Tu les rentres dans un clavier MIDI. Et comme ça, après, tu peux les lancer, toi. C'est ça ? Tu peux nous en dire plus ? Voilà. Je ne parviens pas à les enregistrer sur le téléphone. Mais je parviens à enregistrer sur le vrai MIDI, mais je ne parviens pas vraiment à enregistrer vraiment sur mon téléphone. Donc voilà. Ouais, peut-être qu'il te faudrait un enregistreur à la sortie de ton clavier. Peut-être un enregistreur. Et comme ça, là, tu pourrais fabriquer tes musiques, tu pourrais recomposer les musiques d'OS. Et peut-être arriver à composer la musique de l'OS Vénus. Et tu peux nous en dire un peu, tu pourrais nous chanter l'OS Vénus ? Alors ça c'est marrant quand même, parce que je n'ai pas vraiment une chanson en tête, ça serait carrément inventer une chanson du coup, et je ne sais pas vraiment inventer une chanson. Dans ce cas, tu pourrais peut-être nous chanter un OS existant. Voyons voir. Windows is preparing for the OS computer. Windows is preparing for your first use. Ok, merci. Merci. Donc voilà, donc l'OS est lancé, ouais. Ça y est. L'OS est lancé et les sons de l'univers aussi. Les sons de l'univers, oui. On a Jean-Baptiste qui nous passe en fond. Ce serait bien si on avait un petit peu plus de retour, ouais. Qu'on se rende mieux compte, qu'on soit un peu plus immergé. Voilà. Et alors, Étienne, tu veux nous dire un mot sur l'espace, ce que ça t'inspire, les satellites et tout ça ? Les satellites sont... Les satellites sont clean des fois à regarder, près même de loin. Est-ce qu'ils ont un réseau internet ? Est-ce que ce sont des sources ? Est-ce que ce sont des ? Ce sont des sources à Internet. Tu te demandes si les satellites sont connectés à Internet ? Je pense pas qu'on le sait. Enfin, moi, je ne connais pas vraiment les satellites. Et je pense que personne le sait. Comment le satellite sait faire d'autres. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il... c'est que c'est un... Ça, c'est une source d'Internet. Ça m'a l'air d'être une source Internet. C'est vrai qu'on a entendu parler récemment de Elon Musk, là, qui en plus d'avoir envoyé des gens dans l'espace, dont le français Thomas Pesquet, il a envoyé des satellites qui permettent d'avoir Internet. C'est de ça que tu nous parles ? Ouais. Maintenant, il y a un service, je crois que ça coûte très cher, où on peut avoir Internet via satellite. Donc depuis n'importe où. Et la semaine dernière, dans Ouest France, ils nous ont dit qu'on était très en retard sur les satellites et il y avait une page sur les nanosatellites pour Internet, justement. Là, je regarde que là-bas, il y a Ouest France, à côté de la presse. Puis aussi la FDJ. Dead silence of the morning at 5:29:45 Mountain War time. Nada del Muerto was bathed in an intense flash of a light that man had only seen from the stars. Salut, je suis Tristan. Bienvenue chez FDJ. Je suppose qu'il y a des tickets à gratter. Des feuilles peu pour gagner jusqu'à 10 fois. Mais aussi most people were silent. Plein de choses, etc. I remembered the line from the end of the future. FDJ. Jouer comporte des risques. Appelez 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Voilà, ce lancement est sponsorisé par la FDJ. On devrait la rebaptiser la FDJ. La FDJS, la française des jeux spatiaux. Peut-être on fait une petite pause musicale ? Ou alors non ? Moi j'aurais proposé qu'on écoute une des choses qu'on avait entendues pendant le mois de mars dernier. Et on a beaucoup voyagé avec Radio Tisto au mois de mars et au mois d'avril. Et je me souviens d'une histoire de soucoupe volante. On vient de voir passer un astronaute. Toi, Pater. 24. Resisto. Le ciel est bleu. Vent donné. Je vais prendre une soucoupe volante qui survole le virus. Je vais prendre une soucoupe volante qui survole le virus. Une soucoupe volante qui va à 35 000 pieds, qui survole tous les virus, tous les coronavirus. Je vais prendre la soucoupe volante antivirus. On va se télétransporter dans le jardin de l'hôpital de jour, dans le jardin de l'hôpital de jour. Et Tristan, Quentin, je vais commander une soucoupe volante à Amazon. J'en commander une pour Tristan, une pour Quentin, une pour David, une pour Pedja, une pour une pour Samy, et on va tous se télétransporter dans le jardin de l'hôpital de jour. Et on va tous faire les harises mercredi prochain à 14h. Et après, on va tous rentrer chez nous à la place du taxi, on va tous rentrer chez nous par une soucoupe volante antivirus. Ils se vendent chez Amazon. On les commande par Internet. Et c'est une soucoupe volante antivirus. Et parce que moi, je pense qu'il faut qu'on puisse lutter. Moi, je pense qu'il faut qu'on lutte contre tout ça. On en a un. Quentin également, toi et moi, Quentin, on en a marre d'entendre parler des hôpitaux. On en a marre d'entendre parler des hôpitaux. On en a marre d'entendre parler que les hôpitaux sont surchargés, que les hôpitaux sont débordés. On en a marre de ça. À la télé, ils nous parlent que de ça. Et moi, je pense qu'il faut... Moi, je pense qu'il faut y aller par la force. Et je pense qu'il faut chercher des fins, il faut chercher des failles, je pense, pour qu'on puisse vivre, pour qu'on puisse recommencer à vivre doucement comme avant. Et voilà, je pense qu'il faut... et moi, je pense qu'il faut, il faut pas chercher à être impuissant au virus. Trouver une solution contre le virus. Radio Libertaire 89.4, Radio Tisto, la la la, Radio Libertaire 89.4, Radio Tisto, la la la. Bonjour à tous, c'est Tristan. Dans l'émission Radio Tisto 89.4, je suis au téléphone et je prends l'annonce dans la radio. C'est la radio de, c'est notre radio à moi et à tous les jeunes. Voilà, c'est notre radio à moi et à tous les jeunes de l'hôpital de Jour d'Antony. C'est la radio des Harrys. Mais parce que j'ai pris l'enregistrement. Comme ça, il y a déjà le virus. C'est pour ça que moi et ma famille, on reste à la maison pendant le confinement. Mais c'est comme des vacances, le confinement. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est un peu comme des vacances, sauf qu'on n'a pas le droit de sortir. On ne lève pas la main, on ne s'embrasse pas, on ne se touche pas. Donc voilà, on se lave très régulièrement les mains en savon. On faut prendre son attention et... On peut prendre des mouchoirs avant qu'on se lave les mains. Parce que là, je n'aime pas le coronavirus. Ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, est-ce que vous êtes autour du satellite ? La salle en bois. Allô? Vous nous entendez? Eh ben, je pense qu'il y a personne qui nous voit dedans. Ouais. Personne nous répond. Bizarre. C'est bizarre. Hein? Est-ce que le signal passe? Personne ne nous répond. Eh bien, j'ai détecté. J'ai détecté Mario et Donkey Kong. Mario, Donkey Kong arrive. Allô, check. Hey. Hello. Ils sont prêts? Ouais. Et ben, ce qu'on a regardé, satellite, c'est un grand cercle. On a vu un grand cercle dans ce satellite. Un cercle argenté, ultra argenté. On a vu un cercle ultra argenté et ultra résistant. Hey. Et ultra puissant. Adam, quand c'est un satellite, on a vu un c'est un satellite avec des réacteurs fumés qui va se mettre en route comme ça. Alors... Mais Quentin, c'est un satellite garanti sans pétard. Tu sais, Tristan, oui. On utilise des réacteurs de fumée pour les s'accélérer comme ça, Tristan. Mais oui. En fait, Tristan, tu as déjà mis un satellite, toi, avec Hamid? Non, avec mon référent. Ma chaussure. Mais dis-moi, le satellite, ça se met en route avec des réacteurs. Merci beaucoup, mais je ne savais pas trop. Ça veut dire. Hein? Alors, quand on allume le satellite avec des réacteurs de fumée, mais qui va partir sur Ariane 5, sur une fusée, sur Ariane 5. Sort la Lune, il va partir. Mais le départ, je vais le dire, le départ. Dans 30 minutes, je vais dire le départ. On attend effectivement encore le départ des satellites, Quentin. Oui. Mais je peux dire peut-être que toi, tu parles des réacteurs, mais je pense que ce que tu veux, c'est que ça ne fasse pas de bruit fort. Oui. Effectivement, ça ne fera pas de bruit fort. En fait, Tristan... Quentin. Quand un satellite va aller sur la Lune, Tristan, tu vas pas en croire tes yeux. Ah si, ils sont beaux mes yeux. Ah bon, Tristan? Bon, qu'est-ce qu'on fait, Tristan? On l'achète à... un satellite, bon, que ce soit Tristan, ou l'achète un lanceur pour faire partir Sandrine sur la Lune, qu'est-ce qu'on fait? Mais oui, mais ça coûte combien? À mon avis, ça peut pas coûter... être donné. Ça peut coûter 230 euros. Ben, ça peut coûter 230 euros. À mon avis, Tristan, mon Dieu, ça va pas être donné. 230 euros, c'est cher. Waouh. Wow. Bon, on va pas aller loin avec Sandrine. Comment on va faire alors, Tristan? Qu'est-ce qu'elle va faire sur la Lune, Sandrine? Bah, Sandrine, c'est une éducatrice de l'hôpital de jour. Bah, surtout, elle va partir. Elle va partir toute seule sur la Lune. Non, il n'est pas astronaute. Elle va faire probablement une bêtise, même. Étienne. Bah, tu sais mon jeu, moi, c'est toi, Étienne. Je vais à Toulon voir une amie de maman. Hein? Je vais voir Patricia Ellie. Et c'est où, Toulon? C'est sur la Lune? Mais non, Toulon, je vais en TGV au mois de septembre. D'accord, ouais, tu parles souvent de ça, mais on peut revenir sur la Lune ou pas? Ouais, on va revenir sur la Lune, mais... Tristan? Tristan? C'est pas Tristan? Je peux dire le départ, maintenant? Je peux compter? Ouais, on n'a qu'à dire que c'est un entraînement au départ. Bah, c'est un entraînement au départ, Tristan. Entraînement au départ. Mais il faut pas tricher, Tristan. J'ai même pas triché. J'ai même pas copié sur toi. 5. J'ai même pas triché. The first men on the moon stand and look at the dark, lonely landscape around them. An experience which no one before has shared. Je dirais 5, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, en direct. Et Donkey Kong va sortir de dans la Lune. Et il va rentrer dans la Lune. Et Donkey Kong, c'est parti. C'est pour un décollage dans la Lune qui va vite se grand V. Ouh, il y a une grosse carte avec Mario. On dirait que j'ai vu quelque chose qui va envers Mario. Margot est apparu, et décide d'aller dans une autre direction. Il est en train de paniquer. Et Donkey Kong évalue la situation. Alors il imagine une banane. Il m'imagine que ça marcherait avec une banane. Ah! Mais qu'est-ce qu'il prend, Donkey Kong? Bien sûr, dit Mario. Bien sûr, dit Mario. Il fait que des bêtises encore, ce singe. Ah, laisse-moi faire. Oh. Alors, Mario prend la commande. Il nettoie tout ça. Et il utilise l'utilisation. Oh oh, il a pris l'autodestruction. La fusée va s'autodétruire dans 5, 4, 3, 2, 1. Ouais. Ça, c'était un fail. C'était un premier fail. Premier fail, donc de quoi? Donkey Kong sur la Lune? Donkey Kong sur la Lune. Tu as dit qu'il arrivait qu'il y avait une dune, c'est ça? Ouais. Une dune. Une dune sur la Lune. Et moi, je ne sais pas ce que c'est. Ah non, c'est pas ce que tu as dit alors. Je sais pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est une dune? Une dune. Une dune, c'est une grande, comme une petite colline de sable. Donc, quand on se retrouve sur une dune, donc il se retrouve dans le désert. La Lune, c'est un peu désertique. Désert. Oh oh. Eh bien, Donkey Kong n'a plus qu'à reconstruire son morceau. J'y pense. Et c'est parti pour la construction. Et probablement il va réussir. Il reconstruit sa navette, c'est ça? Sa navette. Tadam! Et voilà, ça, le professeur a été reconstruit, il va pouvoir repartir. Ouais, probablement pas. Pas très, très fragile. Il est probablement trop fragile pour pouvoir grandir. Ouais, non. Vraiment pas. Il a réussi à repartir, hein? Vraiment pas solide pour repartir. Il est déjà détruit, même avant de pouvoir être en état d'utiliser. Ah ben, pourquoi Donkey Kong construit ce vaisseau pour ça? Eh bien, nous vous répondons à la question suivante. Ben, il ne fallait pas! Les singes sont bêtes! Parce que les singes sont bêtes! Il ne fallait pas reconstruire! Et s'il a réussi à aller sur la Lune, c'est qu'il n'est pas si bête que ça, quand même. Au moins, il est arrivé sur la Lune. Mais ça a été le condamné à errer, là? Bien sûr que non, Mario, bien sûr, est plus intelligent, qui appelle ceux qui étaient arrivés à la Lune, juste en s'étant crashé. Ça veut dire avoir un accident, des accidents en plein... percuté dans la Lune, sur la Lune, atterri sur la Lune en naufrage. Boum! C'est parce que Mario ne savait pas conduire un vaisseau. Mais au moins, il a pensé à appeler les équipages, du coup, il va pouvoir venir. Les équipages vont pouvoir venir. Effectivement, ici, on attend les équipages. Et qu'est-ce que tu penses qu'il va lui arriver à ce vaisseau qu'on va voir décoller aujourd'hui? On va le voir décoller. Alors, ce vaisseau qui va pouvoir décoller, ça appartient à l'autre équipage. Et il fonce droit devant sur la Lune. Dans la Lune. Hein? Dans la Lune. 45 sur la Lune. Sur la Lune. Stop. Direction la Lune. Départ, chenille. Enhance 15-23. Ouais, Quentin demande le départ, mais je t'indiquerai quand ce sera le départ. C'est dans un petit moment. Ouais. C'est dans 20 minutes. Deux jours plus tard. L'équipage vient maintenant d'arriver. Et heureusement qu'ils ont ramené des provisions. Heureusement que Mario et Donkey Kong ont ramené des provisions pour attendre des jours et des jours. Ouais. Oh ouais. Pratique. Il s'agit de l'équipage des Pikmin. On appelle le tout nouveau Olimar, tout ancien Olimar, et le tout nouveau Alpha. Ça, ils vont dans l'espace. Et sans oublier Fox. Ils sont tous les trois à la Lune. Tu es en train de décrire tout un équipage qui va sur la Lune. Et Étienne, tu dis qu'ils emmènent des provisions, ils mangent quoi là-haut? Une de plus, vu que Mario et Donkey Kong n'ont plus de provisions, ils en ont plein. Ces équipages en ont plein. C'est quoi comme nourriture? Plein. Les cerises, les raisins, les kiwis, et lui, il y a plein, bref, une banane, et puis il y en a plein de raisins. Quoi qu'il en soit, ils sont un peu plus grands. Ils sont vraiment grands. Qu'est-ce qui est grand? Ces fruits là. Ah, c'est des fruits, ils ont des fruits géants. Genre des fruits géants, comme ça. Par exemple, on appelle même de leur nom qui correspond à leur taille. On appelle même les noms. Par exemple, la crêpe géante. La crêpe géante. La terre. Le boule de la terre. Ah, c'est mystique, hein? Ouais. C'est mystique. Et maintenant, ils commencent à faire des expertisages sur la Lune. La Lune. Mais Donkey Kong, le creuse comme ça, tout juste comme ça. Et qu'est-ce qu'il trouve? Il se met partout, Donkey Kong, la Dune. Mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes, ces singes? Oh là là! Ne faut jamais faire confiance aux bêtes! C'est Mario qui dit ça? Dit-il. Ah, tu l'as dit, hein? Mario se dit, faut faire jamais confiance aux singes quand même. Mais quelle mission? Pourquoi ils sont partis ensemble sur la Lune? Mario, Donkey Kong et Fox? Et ils sont en train d'expertiser des trucs, ça. Eh bien, c'est pour calculer les mesures, si il est habitable ou non. Bonne nouvelle, la Lune est habitable. Wow. Alors. Alors, moi je me souviens de Voyage sur la Lune avec Radio Tisto. Et peut-être on peut écouter un autre Voyage sur la Lune. Avec plaisir. Radio-Liberté 89.4, Radio Tisto. La la la. Dis donc, j'aimerais bien savoir, Julien, pourquoi dans la montagne la Lune continue de tourner autour du Soleil dans le cosmos? C'est bizarre, ça. Waouh. Mais tu sais, on n'a qu'à dire. Je sais pas comment répondre à ta question. Je sais pas comment on sait pourquoi la Lune, elle continue à tourner autour du Soleil. Parce que la Lune, elle tourne pas autour du Soleil, en théorie. Enfin, si. La Lune tourne autour du Soleil, c'est vrai. Oui. Mais surtout, j'aimerais bien aller marcher sur la Lune. Tiens, ce que je voudrais bien faire avec toi, Julien, c'est prendre un train de Lille prendre un train de Lille ouais. et décoller avec toi. Pour aller sur la Lune ? Non, non. J'aimerais bien prendre un train de Lille. Et surtout, je me rappelle quand on tournait les Harris, que Nicolas était parti avec nous en tournée des Harris. Oui, c'est vrai. Mais tu veux pas plutôt, tu veux pas plutôt partir avec Christelle ? Bah écoute, si ça me dérange pas, moi je veux bien. Est-ce qu'il y a une piscine sur la Lune ? Bah non, je te préviens, il n'y a pas de piscine sur la Lune. Je te préviens, t'as un vaisseau spatial qui va remonter la glace, Christelle. D'accord, et dans ces cas-là, on pourra manger des frites. C'est logique. Oui, mais faut faire attention là. Ouais, faut faire attention aux frites, ça peut être très dangereux. Ouais, faut être prudent. On sera prudent. Je te préviens, Antonin, quand t'es sur la neige en train de manger des frites, je te préviens, la glace, c'est un truc de... C'est un truc de ouf. Et alors, j'ai une question. Oui. Est-ce que tu préfères être sur la glace à manger des frites ou dans un désert à manger de la glace ? Bah, je veux pas aller dans un désert. Ah, dans un désert pour manger de la glace. Ça veut dire... Non. Non. Moi, je préfère ou être sur la Lune. Mais il fait froid. Marcher sur la Lune. C'est pas grave, je me mettrai une combinaison et j'irai tout seul. Bon, on va s'habiller chaudement et on ira. Et si, je suis sûr que s'il y a une piscine sur la Lune, Christelle sera d'accord de venir avec toi sur la Lune. Écoute, moi, ça ne me dérange pas, Christelle, que tu viennes sur la Lune. On va partir ensemble alors. D'accord. Et tu prévois de faire quoi sur la Lune ? Bah, on prévoit de marcher sur la Lune, comme les astronautes. Oui. Et en fait, c'est un peu comme la montagne pour toi, la Lune, c'est ça ? Ouais, c'est un peu comme dans la montagne. On partira en vaisseau spatial. On fera un petit concert là-haut. Ouais, d'accord. Et puis on enverra pour l'émission, d'accord ? D'accord. On appellera ça Harry's on the Moon. D'accord. Mais je te préviens... Est-ce que t'as envie de prendre une copine sur la Lune, sur les photos ? Alors, t'emmèneras qui sur la Lune à de l'hôpital de jour, ouais. C'est une bonne question. Parce que, en fait... Alors j'explique pour les auditeurs, là tu te tournes vers un mur de photos qu'il y a derrière nous. Oui, les photos sont des photos des personnes qui sont à l'hôpital de jour. Mais je t'assure, quand on sera sur la Lune, on mettra avec Christelle une télé... On regardera la Coupe du Monde du match de rugby contre les Français, contre les Américains. Et on mangera des pop-corns. Oui, mais surtout, on regardera la Coupe du Monde du match de rugby, mais comme Manon aura levé la main, un effort, on prendra Manon pour l'emmener sur la Lune. On va devoir interrompre la retransmission, la rediffusion du voyage sur la Lune et à la montagne de Radio Tisto en mars et avril 2020, parce que c'est dans le contrat, les cosmonautes doivent venir se présenter à la presse. Et ils arrivent dans le studio radio avant de rejoindre la base Saint-Pavin. Les voici qui arrivent. Je vais passer la parole à Quentin, à Étienne et à Julien pour cette conférence de presse improvisée. Je vous laisse la parole. Allô, allô ? Oui. Vous me recevez ? Allô, allô ? Davidson, okay. Je vous passe le micro. Davidson, c'est le Public Relation Man. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez ici ? Moi ? Bah, tous. Mais toi, oui. En fait, on est venu fabriquer les satellites, je crois. Les SAG, les Trois-Rivières, je crois, pour venir présenter les satellites. Et puis tout d'être avec les collègues ici pour travailler en équipe. Quelle est votre mission ? Bon, mon mission, c'est pour les satellites. Parce que c'est très important. Et surtout, comme c'est pas en géo aussi, plutôt, ma mission, c'est faire les satellites. Après ça, de travailler en équipe, de faire les choses au sérieux, de prendre ça au sérieux vraiment, et puis toi, pour pouvoir faire vraiment lever des satellites. Quelle est la capacité de la satellite? La capacité des satellites, c'est faire marcher les satellites et que tout le monde participe. Ouais. Que vraiment, on va pouvoir le faire aujourd'hui. Je suis content. Et puis tout aussi, il ne faut pas avoir peur, et puis tout de prendre le temps de le faire, et puis tout. Et plutôt vraiment pour faire les choses au sérieux. Vous qui partez pour voir les satellites, comment vous l'apercevez si vous entrez dans le satellite? Parce que chez nous, au SAG Les Trois Rivières, on a fait les satellites. Et plutôt, on a été fait une marche aussi, je crois. Et du coup, les choses ont été bien. Passer et puis tout pouvoir passer avec les collègues et puis tout voilà, merci à tous de me poser des questions, je vous ai répondu. Après je vais passer les places avec mes collègues qui va vous donner la même parole que moi, et puis tout je vous souhaite une bonne satellite et puis tout voilà pour aujourd'hui et bonne chance. Quentin dit bonne chance et bon voyage. Mais j'aime beaucoup cette idée de prendre les choses au sérieux. C'est une très belle phrase que tu as dit plusieurs fois déjà. Bonjour à tous. On vient ici, c'est pour... je suis l'IM Vourouzé. On vient ici, c'est pour faire décoller le vaisseau spatial. On est content de faire montrer à tout le monde comment on a bien travaillé, comment on a travaillé ça fait longtemps pour faire le satellite. Et puis voilà. Ouais. Merci, tu veux rajouter un mot, Magali? 5, 4, 3, 2, 1, Robocop. Prochain bébé, Il agit. Robocop, merci. Et vous, lequel d'entre vous est déjà allé dans l'espace? Vous êtes déjà allé dans l'espace? Oui. Moi, c'est une espace. Ou c'est une première? Merci. Pour les gens qui font le... qui veut aller dans l'espace. On n'a jamais été dans l'espace, je crois. Et puis tout, comme les personnes qui vont y aller aujourd'hui, j'aimerais bien leur demander s'ils n'ont pas peur de cette chose au sérieux. Et puis tout, voilà, c'est très important pour tout le monde qui sont là, qui nous entendent aujourd'hui, parce que pour nous, on n'a jamais été fait voler une satellite, et puis tout voilà. Si quelqu'un a des questions sur ça, il peut me les poser, je peux répondre. Après ça, on va passer les places avec une collègue. Merci Abdel, et puis tout le public qui sont là, qui nous entendent, bienvenue à tous. Et puis tout, après on va vous passer mon collègue qui va... Mamadou, je demandais à Mamadou d'avancer pour moi s'il vous plaît. Comment vous dire... voilà pour les satellites. Je vais décoller dedans. Décoller le satellite. Non, j'ai pas trop peur en plus. Pour les satellites, mais j'ai pas trop peur en plus. Moi, j'ai une question. Comment s'est passée la construction? Vous l'avez fait quand? Où ça? Bah, satellite, je crois, en plus. Comment? La satellite. Oui, où est-ce que vous l'avez fabriqué et quand? Au CAJ. Au CAJ, donc il a été fait dans 93. Oui, au 93. D'accord. Et celui qui a été fabriqué ici a été fabriqué par des gens du Mans. Oui. Et celui du 93, ok. Oui, 93. C'est celui-là qui va être en déambulation. Oui, sur le Astin. D'accord. Oui, Astin. Vous avez déjà fait une déambulation dans les rues de Stein avec oui, le premier satellite. Et vous vous êtes retrouvé une fois par semaine. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé bien. Ouais, avec le ciel et la terre et les étoiles. Et vous aviez mis quoi dans le satellite pour l'envoyer dans l'espace? Vous aviez mis des choses dedans? Oui, des messages. Oui, des lumières, je crois, en plus. Des lumières avec des radios, je crois, et plutôt avec des roues en bas, et plutôt pour faire envoyer cet satellite au ciel, et plutôt, voilà. Et puis tout, on a M. Fayad qui est devant moi. J'aimerais bien qu'il parle un peu pour les satellites. Ouais. Bonjour, je m'appelle Fayad. Dans Messagerie, Trois-Rivières, Astin. Satellite, elle avait travaillé et tout ça. Il est bien passé. Allez-y, on vous écoute. Ceci, dans satellite, l'avait truc comme ça. Ouais, dans satellite, il y avait tout. Il y avait la lumière, il y avait... La lumière et tout ça. Et la radio. La radio et tout ça. Et la radio, justement, vous savez que je suis un peu obligé de vous rappeler que nous avons des contraintes sur la base Saint-Pavin, c'est de faire le décollage à l'heure. Ben oui. Et il va bientôt être l'heure de commencer, je crois. 14h35. Pour être clair, des décollés du satellite. 14h35, je crois que nous allons... Et puis tout, merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis tout, on vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. I like to watch things on TV. Yeah, it's 29 AM. Ça, c'est quoi, en fait? Ça, c'est un robot sonde. Voilà. Non, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un cratère et qu'avec le vaisseau, on ne pouvait pas s'approcher du cratère. Donc, on va envoyer notre petit robot qui va détecter toutes les anomalies du sol et pouvoir expérimenter tous les échantillons qu'il ramènera. Ici, il y a un laboratoire intégré. Donc avec le bras qui va se déployer pour aller carotter le sol du cratère. Et ensuite, les échantillons vont passer dans cette boîte qui seront envoyés directement à la table là-haut, où vous voyez, où il y a Noémie avec l'écran, qui, elle, fera des tests pour voir si c'est compatible avec l'approche des astronautes. On va lâcher le satellite. Le robot est intégré dedans. Après, on va faire descendre une rampe. Il sortira du robot. Ah, comme dans Rencontre avec le troisième type. En fait, nous, on vise surtout au-delà de Mars. Donc, Mars, c'est une étape. Hein. C'est un point relais. Et donc, nous visons peut-être voir... plus loin. Une autre galaxie. Ça a l'air trop pourri, là-bas. Ben, on commence à connaître un petit peu pour avoir tourné pas mal de fois autour. Donc maintenant, on veut aller plus loin. That tells us that things are actually on schedule. We did begin propeller load at T-minus 35 minutes. Fuel loading on the second stage, I believe. We just heard the call out that it is complete. First stage fuel load is continuing, and right now that's a little more than, that's about 60% of the way. Four, four, so three, two, second stage one, is getting ready to begin the liquid oxygen loading after they finish chilling in the line. Attention au départ. Attention au départ. Attention au départ. Métro. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 5. 5. Avant Marc. 5. 5, Monique. 4. 3. Allô les gens. Salut, vous êtes prêts? Oui. Ok. Je sais pas si t'es pas. Ok, 4. Vous êtes sur le départ. Vous êtes dans le départ. Oui. Quelqu'un va se connecter. Et du côté du poste de pilotage, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la pluie là. Il y a de la pluie. Il y a 12% de pluie. Il y a 12% de pluie. C'est pas bon. Ça commence mal. 66. Le satellite s'est décroché. Nous avons dû aller chercher la visseuse. C'est très confortable ici. Vous avez beaucoup de choses techniques à voir ici là dans le cockpit. Ouais, non, tout est présent, mais ça va. Tout se passe bien. Two people. Two people laughed. Two people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. It's like 45 left. Vishnu. Stop. Is trying to persuade. Enhance 15 to 23. He should do his duty. And to impress him, takes on his multi-armed form and says, now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. C'est un faux départ. pas décoller avec tout ça. Ouais. That's just the second abort zone that they're in. They'll continue to be on this until the first stage has done its job and they switch over to the second. At this point, Bob and Doug pulling about 2.3 times the Earth's gravity, already moving at over 1,500 miles per hour. We've heard the call out for MVAC in, coming up in about 20 seconds. Set. M1D throttle down. No. We heard her throttling down the Merlin set. Engine. Five, on the first four, cut. 3, 2, 1, down the Merlin engines. 4, on the first stage. 3, 2, 1. MVAC ignition. Décollage réussi. C'est parti. Bienvenue de nouveau de retour dans le grand hall de la fonderie avec Radio Tisto après le décollage du satellite. Merci. Je vais te remonter le volume. Ouais. Les jeunes de l'hôpital de jour d'Antony, de l'émission Radio Tisto en direct de la fonderie. Ouais, toi tu aimes dire 89.org, tu peux le dire dans le micro hein, si tu veux. 89.org en allemand. C'est une indication qui... qui contracte le 89.4 de Radio Libertaire et le p-node.org de Pinode. C'est devenu 89.org. Faudrait le créer, la créer l'adresse 89.org. Donc voilà, on est toujours à la fonderie. On a vu le décollage du satellite. Et Quentin avait l'air partant pour nous faire une impro. Une impro castor avec... Parce que t'as encore un peu de nourriture dans ta bouche. Oui. Tu y vas ? Oui. Le super... C'est crime. Et alors, on ira tout loin avec maman TGV au mois de septembre, mais je marquerai à moi à Tata Christelle que je l'abandonne toute seule, mais j'aurais envie de prendre un week-end avec maman TGV, que c'est pas trop cher le TGV Adam. Non, que c'est pas trop cher. Maman, elle envoie un message à Patricia Hini. Je la reverrai pour lui demander les griffes, Anaïque. Elle retrouvera, Anaïque, les autres grands copains pour faire plaisir. Il y aura Jean-Marie pour faire plaisir à Sandrine. Les griffes ? Non. Tu as entendu ça, Thibault ? Ouais. Il fait ça depuis longtemps ? Un an et demi, plein de... Oh, la salaud, Christelle, à côté du grand, ça commence à bien faire. Je rencontrerai ça à Bruno Laurent, que ça commence à bien faire, Christelle. Autant on est à ma grande usure qu'on est sorti. Et du calme, ça, dame, c'est différent. Mais il dit jamais rien qu'un qui risquerait à faire pincer. Ne plus dans la loi. Oh, vos sales petits cons, Christelle, ne racontez des bêtises. Adam, je rencontrerai des courses au mois de juillet. Tu peux te faire des courses avec moi à l'HDJ. Oh, tu peux aller raconter vendredi. Qu'elle raconte autre chose, Christelle. Quoi ? Tu pourras lui dire ? Merci. Adam, attends, allô, j'appelle les grands infos de ce moment. Allez, est-ce que tu m'entends? Au mois de septembre, ils sont d'Anaïque, je vais essayer de la retrouver. Quand je vais la revoir au mois de septembre d'Anaïque, je lui demanderai Anaïque. Et si la fondation va aller, je vous reçois très bien, Stéphane, à vous. Où êtes-vous, qu'un 244? C'est à 80, très bien, restez où vous êtes. Guetter une doge avec Cyril, Yohann, Jean-Mani. Oh, 4, 5, 9, 9. Il avait été au Colorado. La dernière fois que Yohann, Jean-Mani a eu un accident, s'est cassé le poignet et la jambe. Mais dès qu'on vous l'aurait vu, appelez pour avoir les ordres. Terminé, on y va, Yohann, Jean-Mani. Bon, allez, Annick, tu te grouilles, hein? Tu prends nos chapeaux, Anaïque, en route. Je te préviens, t'es pétant. Oh, arrête tes conneries, Christelle. Bêtise, ça commence à bien faire, Christelle. Je te dis, je peux partir à tout le monde avec maman, voir des porte-avions, Christelle. Peut-être bien que je t'abandonnerai toute seule à HDG, Christelle, moi. J'ai droit à prendre un week-end avec maman. Oui. Tiens. Bon, Quentin, je suis content que tu nous aies fait une allusion à ce film. Tu peux dire un mot sur le film ? Je sais pas. La Dodge Challenger Blanche. La Dodge Challenger Blanche, ouais. C'est le film qui s'appelle Point Limite Zéro. Reste avec nous. Et là, en fait, on a installé les choses de cette façon, avec la vue sur l'extérieur, un peu en hommage à ce film. Notre organisation radio du jour fait référence à ce film. Si tu veux mettre un extrait, on va écouter un extrait du film. « got it. Oui, oui, il appelle la voiture 44. Quoi? Et là, au début, tu peux me la mettre? Voilà, on s'autorise. Non, mais peut-être l'autre alors. Tu crois que c'est exactement la même? Merci. Parce qu'il y a l'appel de la voiture. De la dot. À la voiture. The vicious traffic squad cars are after our lone driver, the last American hero, the electric centaur, the demigod, the super truck of the golden west. On peut pas le mettre en français. Tu me mettras en français lundi, Julien. Ah, plus tard, on pourra télécharger le film en VF si tu veux. On n'a pas les sous-titres, non. Mais c'est que pour Quentin, la bande-son est importante, les voix aussi. Les voix françaises. The evil spirit arms the tiger with claws. Brahman provided. Peut-être qu'on passe à la suite. Merci Quentin. Merci. On fait un petit dialogue entre Tristan et. Si on disait un aimant. Événement. Un astronaute. La lumière extralucide. Le ciel. Le soleil. Un extraterrestre. Un espace. Une planète. La Terre et la Lune. Un satellite. On y est. Une galaxie. Une planète. Une soucoupe volante. Un secours. Un télescope. Un téléphone. Un vaisseau. Envoyé spécial. Un robot. Une lune. Ah. Une étoile. Un soleil. Une constellation. Un conservatoire. Une météorite. Les nuages et le soleil. Une pince. Du linge. Une télécommande. Une télévision. Une antenne. La TNT. Une astéroïde. Une planète. Un espace. Une infinie. Le système solaire. La crème solaire. Une cratère. Un tracteur. C'est tout à fait. Une comète. Une colère. La terre. L'herbe. Une navette. Lavage de main. Une caméra. Un cinéma. L'univers. L'hiver. Le printemps. Les fleurs. Les feux de la nature. Le bois de cheminée. Le public. Le privé. On est bon, merci. Merci Nils et Tristan. Il est bientôt 16h. On va pas tarder à rendre l'antenne. Ouais, merci. Merci, merci pour votre invitation. C'était un plaisir de revenir à la fonderie après ces temps limités. En voyage. Être en voyage en plus. Ouais. Limité en voyage, en séjour. Ben, c'est la fin des rencontres aussi. C'est aussi la fin des rencontres, ouais. 2 semaines ou 10 jours que vous y êtes ? Eh bien, on est arrivé le lundi 7 juin. Et on va ranger, ouais. On va se reposer. Bon, c'était super de voir autant de gens. J'étais content que Nils, Étienne, Tristan et Quentin soient là. Et de retour à la fonderie pour certains. Ouais. Vous aviez voyagé un petit peu ces derniers temps, non, pas trop. Non, pas du tout. Pas ouais. Du tout. C'était la première fois qu'on faisait plus de... Et encore, même prendre le véhicule à l'hôpital de jour, c'est devenu rare. Ouais. Et ça reprend petit à petit, donc ça fait plaisir. Voilà. Eh ben, salut. On va se dire au revoir alors. Salut tout le monde, ciao. Bonne route, merci. Et merci aussi à Pinode pour ses connexions. À bientôt. Imagine yourself as one of the crew of this faster-than-light spaceship of the future, sharing their curiosity to know the unknown, their tension, their readiness for inconceivable adventures. Sir, we're being radar scanned. United Planets cruiser C-57D, J.J. Adams commanding. Who are you? Morbius of the Bellerophon. Well, Dr. Morbius, my orders are to survey the situation on Altair 4. Commander, if you sat down on this planet, I warn you that I cannot be answerable for the safety of your ship or your crew. When you reach the forbidden planet, you will meet Dr. Morbius, played by Walter Pigeon. Merci à tout le monde, à tous les participants. Merci à la Fonderie, à l'IME de Verouzé, au SAJ, les Trois-Rivières, Astin, à la Trame, à Bruit de Couloir qui ont partagé aussi ce moment, Roue Libre, Radio Tisto, Les Volontiers, la WEV Radio, l'Hôpital de Jour, l'Adamant, le collectif Plénitude, la Justice. Merci aussi à Stéphane Ziegart, au Lame de Villeneuve d'Ascq, à Radio ESAT, la quotidienne, à Turbulonaire, le collectif du livre Porrompu, l'atelier hors champ au Mans, le polygone étoilé à Marseille, Radio El Kelma, Intempestive, l'atelier Radio La de Radio Grenouille aussi, Radio Sonic Protest, Radio Sans Nom, Pinode, l'école supérieure d'art et design du Mans, le CATTP Chanzy, les éditions Hiver Nucléaire. Merci à Quentin Rouchet pour ses dessins. Merci à La Parole Errante demain pour la connexion de mardi dernier avec Roue Libre. Et merci aussi à Patrick et son atelier Poterie. À bientôt.